rayon lingerie, je vends aussi des gadgets. On fait braderie, ce soir ça fait recette. Madame, bonsoir, à quelle jolie silhouette. Dieu que c'est rasoir, même pas le droit de faire la tête. À la fièvre acheteuse, elle était bien contagieuse. Ce serait trop beau, on tuerait tout le troupeau. Trop beau, plus à supporter, se farcir ses veaux. Quel désespoir, quoi, ces dingues qu'ils ont l'air bêtes. 10h du soir, putain la belle brochette. Quelle élégance, prenez donc la violette. Ah, quand je pense qu'il y en a qui font la fête. À la fièvre acheteuse, elle était bien contagieuse. Ce serait trop beau, on tuerait tout le troupeau. Trop beau, plus à supporter, se farcir ses veaux. On fait nocturne, envie d'une cigarette. Tous ces casse-burnes, j'en ai ras la casquette. Prenez ce string, coquin pour 5 à 7. 8, 9, 10. Crois que le lifting lui donne l'air d'une starlette. À la fièvre acheteuse, elle était bien contagieuse. Ce serait trop beau, on tuerait tout le troupeau. Trop beau, plus à supporter, se farcir ses veaux. Pense à ma meuf, doit être en nuisette. Le temps de cuire en œuf, je rêve de galipette. 8, 9, 10. Moi, tous ces cons qui, comme des fous furettes, dans des chiffons, franchement, ça me prend la tête. À la fièvre acheteuse, elle était bien contagieuse. Ce serait trop beau, on tuerait tout le troupeau. Trop beau, plus à supporter, se farcir ses veaux. La fièvre acheteuse, c'est pas mortel, c'est bête. Moi, je suis vendeur aux galeries Lafayette. Poil à la layette, poil à la layette, poil à la layette, poil à la layette.